Je te pulvérise. Ne touche jamais à mon popino. On démarre au quart au quart. Pour les refaits du tchèque. Pour les keufs on est tricards. On démarre, démarre au quart. Pour les refaits du tchèque. Pour les keufs on est tricards. On démarre, démarre au quart. On démarre, démarre au quart. Pour les refaits du tchèque. Pour les keufs on est tricards. On démarre, démarre au quart. Sortez, sortez les pécanes. Restez, restez calme. Pour les frères, les petits pécanes. On démarre, démarre au quart. Pour le mal de c'est Patrick, c'est Bastos, qui caille Stovelus, qui trafique les camos, qui rêvasse du fibus, pas de tatas, ni de but, un palace, une Lexus, j'te balaf, j'm'en excuse, ça m'agace, les Lexus, ça pépon, tape, bon ouélou, attention, c'est la meute de vrai loup, barricade ta maison, au verrou, j'ai un creux, j'veux de la sauce sur l'escalope, j'suis véreux jusqu'à l'os, et encule les petites salopes, grosse pointure, et j'te fourre mon 45 dans le vierge, j'te prends pierre. Tu gamberges, tu cogites, dans la merde, tu supierges. Et tu penses qu'à ton shit, t'es pas net. Va soulever tes palettes, t'es saoulé, ta palette. Va souiller la planète, va couiller une recette. Ma couiller, pour recel, cette mouillée, le pucelle. Je vais couiller au procès, arrêtez les ulcères. On m'atterre, les petits pères, réviser vos matières. On démarre au quart au quart, pour les refaits du tchèque. Pour les keufs, on est tricards. On démarre, démarre au quart, pour les refaits du tchèque. Pour les keufs, on est tricards. On démarre, démarre au quart. On démarre, démarre au quart. Pour les refrais du tchèque. Pour les keufs, on est tricards. On démarre, démarre au quart. Sortez, sortez les pécanes. Restez, restez calme. Pour les frères, les petits pécanes. On démarre, démarre au quart. Pour le mal de gars. Que des mecs qui testent, testent. Pour le mec de Tess, S, toi qui repasse, donc que t'es le best. Tu marches avec des S, S, t-shirt taille S, et les jeans tirent les fesses comme les miss. Tu les tasses, casse, toi de l'âge, clash, pas les garces. Face à nous, tu rivalises pas. C'est le saut des gangsters, on ne joue pas, mais ne bouge pas. Ou ma bouche va te croyer, t'as la bouche car. Justin, on est hal, que des marginales, mais amicalement. Faut la merde, lyricalement. Faut le temps pour me calmer, fais tourner le calmant. C'est con que tu sois tombé sur 9-4. Ce coup-ci, dans ta tête, trop secousse. Venez à sa rescousse, je fous la merde comme rasse, casse. Casse et t'embrasse, agile comme putain bras, je veux que tu s'embrasses. Grâce. Dans ta race, une pasto, soma, Patrick, c'est pasto, satellite, et puis basta. Et puis basta. C'est le son, un tardio, punji, mon cœur fondu, t'es qu'un pendu, ça j'ai senti Omar. Phase puissante comme les coups à mort, mec, hardcore jusqu'à la mort, mec. Va dire à tous, quand t'as cloué le bec avec moi. Pas de compétition, homme sec, c'est trop tard. Tes potes, t'es prépare tes obsèques, j'obsède, j'obsède les MC qui veulent que j'sais. On démarre au quart, pour les refaits du tchèque. Pour les keufs, on est tricards. On démarre, démarre au quart, pour les refaits du tchèque. Pour les keufs, on est tricards. On démarre, démarre au quart. On démarre, démarre au quart, pour les refaits du tchèque. Pour les keufs, on est tricards. On démarre, démarre au quart. Sortez, sortez les pécanes. Restez, restez calme. Pour les frères, les petits pécanes. On démarre, démarre au quart. Pour le mal de l'âme. Le 9-4, mon district. Dans l'esprit, me district. Grosse roupette, mes deslips. Tu roses bête, tu d'ici. Peu compète, on défuit. Les gros pecs et la frite. Fais ton tête, fais tes frites. Paye ton grec et tes frites. Nique les steaks et les schmitt. T'es high-tech, off ça smith. Off un noix, c'est un crack. Ça pique grave et ça braque. Ça bouillave, sans clic-clac. Les épaves, touche au crack. La faltasse, à cojage. Carré d'as, dans mes cartes. Le chivas ou le cognac. Pris en chasse, sur la carte. T'as la chasse. Quand t'écartes, mets de l'ach sur tes plaques. A vos marques, course de blague. T'as des housses, on te remarque. Au point mort, on te remorque. On te mord sans remords. Une patate dans le décor. Un coup de chaise, on te baisse. Cagoulé dans les dièses. Nos autos, des merguez. Vous voulez qu'on vous baisse. Cagoulé dans les dièses. Pour les queuses, les balaises. Le 9-4, trop à l'aise. On démarre au quart, pour les refaits du tchèque. Pour les keufs, on est tricards. On démarre.